les débats du jeudi soir. Donc, sur Fun Radio quand même. Sur Fun Radio, si vous voulez nous appeler, donc n'hésitez pas. 0800 3085000 et 0800 70 5000 est toujours 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Donc on va accueillir Claire. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Nina, bonsoir. Bonsoir Gérard. Clémentine. Bonsoir Gérard. Franck. Bonsoir Gérard. Jérôme. Bonsoir. Et Vanessa. Salut. Jérôme, faut parler plus fort. D'accord, il n'y a pas de problème. Et Vanessa, pareil. Ok. Donc, le premier débat, ça va porter sur la beauté. Donc, alors, première question. Pensez-vous que tout le monde peut... Non, attends, le premier débat, c'est sur quoi? Sur la beauté. Et le deuxième, ça portera sur l'écriture, voilà. D'accord. Donc, alors, pensez-vous que tout le monde peut être beau? Donc, on va demander à Vanessa. Tout le monde peut être beau, pas dès la naissance, mais je crois qu'on peut le devenir avec la chirurgie esthétique. Non, mais ça, c'est justement, ça, c'est la dernière question du débat, tu vois. Faudra pas... C'est tout faussé. Donc, faut pas commencer déjà à jouer en prenant la 11e question pour la première. Ah, ok. C'est d'être plus conne, alors. Comment? Vanessa? Oui. T'as pas un autre téléphone? Non, pourquoi? C'est un portable? Non. Est-ce qu'il est pourri, ton téléphone? Ouais. Là, t'as un téléphone pourri, hein. Pourtant, ouais, on a essayé de te rappeler, mais c'est un téléphone pourri que oui, t'as. Mais sa voix est si belle. Attends, vous avez, ça va pas commencer déjà à vouloir jouer comme ça, parce que sinon ça va aller vite ce soir. Hein. J'ai prévenu d'entrée que ce soir j'avais pas l'intention de m'amuser longtemps. C'est clair, ce soir on rigole pas. Hein. On calme. À tes ordres, Gérard. Donc, Jérôme. Oui. Bah alors Non, Jérôme, tu travailles ou sinon tu vas gerber tout de suite maintenant. Non, mais je te jure que je le fais pas exprès. Non, mais si tu le fais pas exprès, alors dans ces cas-là, pourquoi tu t'appelles? Alors, Jérôme, est-ce que tout le monde peut être beau? Ah, voilà, oui, je pense que oui. Bon, moi déjà, je suis un beau gosse. Et je pense qu'il y a de la place dans ce monde pour tous les beaux gosses, comme moi. D'accord, ok. Modestement, je veux dire. Ouais, ouais. Franck? Oui, donc moi, je pense que tout le monde peut être beau, mais je pense pas qu'on se trouve spécialement beau. C'est les autres qui te trouvent beau, donc tu plais forcément à quelqu'un, donc tout le monde peut être beau. D'accord. Clémentine? Moi, je pense que tout le monde ne peut pas être beau, mais je pense que tout le monde peut être charmant. Et c'est le charme qui compte, c'est pas la beauté. Mmh. Oui, tout à fait. D'accord. Nina? Ouais, Gérard, est-ce que tout le monde peut être beau? Ben, je pense que, en fait, il y a la beauté physique et la beauté intérieure. Mmh. Et je trouve que la beauté intérieure, elle est plus intéressante quand même. On s'en fout des poumons. Non, mais oh, qui c'est qui dit ça, là? J'aime bien. Jérôme, excuse-moi. Non, mais vous allez, quand je demande qui c'est qui dit ça, vous êtes prié de donner vos noms, d'accord? Gérard, je continue là. Donc je disais, tout le monde est beau de l'intérieur, c'est clair. C'est-à-dire, comment ça? Bah, tout le monde a, au fond de soi, un bon cœur, quoi. Et en ce qui concerne la beauté physique, non, tout le monde ne peut pas être beau. Hein. D'accord. C'est clair. Ok, Claire? Oui, alors moi je conclue, c'est pas évident, parce que en fait tout le monde a raison, quoi. Je suis d'accord avec tout le monde. La beauté, c'est pas dehors, et puis c'est le charme qui compte, c'est pas la tronche. Non, moi je vais quand même vous répondre là-dessus. Ouais. Donc je vais... Oh merde. Comment? On est obligé. Ah oui, vous êtes obligé d'écouter ce que je vais vous dire quand même. Parce que si vous voulez pas écouter, c'est simple. Le premier qui ne veut pas écouter, il gerbe. Ok. Ok, pas de problème. Donc, je pense que Nina, t'as pas tout à fait tort. Claire, par contre, je vois pas du tout le rapport. Moi, je peux te dire une chose, que ça soit côté intérieur ou physique, de toute manière, les deux ont le rapport. D'accord. C'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Ouais, voilà. Moi aussi. Alors. Non, c'est Claire qui te parle. Hein. Mmh. Si tu comprends pas ce que je dis, et ben. Bah si, je raconte. Et ça commence. Bon, et ça commence, mais. C'est quoi? Olivier, tu joues à quoi là? Tu joues déjà à quoi là? Tu t'amuses à quoi là? On a dit ce soir, on rigole pas, tout se garde à vous. Ouais. Le premier qui joue cette histoire de musique déjà. Hartung. On était parti sur des bonnes bases et Olivier l'a déconné. Donc, peut-on être trop beau pour être vrai? Donc on va demander à Claire. D'abord, il n'y a pas de thé à être. Peut-être quoi? Bon, Olivier, tu joues à quoi là? Pas moi. Non, c'est qui alors? Je sais pas. ça fait déjà deux, hein. Ça va pas continuer longtemps. Hein. Donc Claire. Oui, peut-on être quoi? Peut-on être trop beau pour être vrai? Bien sûr. Alors pourquoi? C'est le proverbe, hein. Peut-on être beau pour être vrai, c'est sûr. Mmh. Oui, c'est un proverbe. C'est un proverbe, je veux dire, c'est tout le monde, c'est une vérité, quoi. C'est pas discutable. D'accord. Nina. Ouais, bon, ben, ta question, elle est un peu elle est métaphysique, là, Vera. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que non. Pourquoi? Ben, je pense qu'on peut pas être beau pour être vrai. Mais pourquoi? Moi, je te demande je te pose la question maintenant, pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, c'est métaphysique, ça demande la réflexion, Vera, cette question. Bon, ben, réfléchis, mais quand t'auras réfléchi, tu me le diras. D'accord. Clémentine? Je pense que trop beau pour être vrai, non, mais trop beau pour toi, oui. D'accord. Franck? Ouais, ouais. Moi, je pense que trop beau pour être vrai, ça dissimule quelque chose, parce que si on veut avoir l'air trop beau gosse et tout, c'est qu'on dissimule une personne qui n'a pas une si grande valeur que ça. Il y a Anguille sous Rush. Voilà, c'est pour moi qui dis ça. Quoi? C'est pour moi qui dis ça. Ah non, je dis pas ça pour toi. Je fais une généralité pour les gens qui sont dans ce cas-là. Mmh. Ah mais toi, t'es beau naturellement, je parie. Jérôme? Ah, bien sûr. Jérôme, s'il vous plaît, vous évitez de discuter entre vous, là. Pour répondre à la question... Gérard, je pense qu'ils peuvent s'échanger deux, trois opinions quand même. Ah ouais, bah ouais, c'est un donc, débat. Ouais, bah, Jérôme. Donc moi, pour répondre à la question, bon, je t'ai dit que j'étais un beau gosse, c'est vrai, et... Prouve-le. Bah, non, mais de toute manière... Il y a des gens qui peuvent témoigner, hein. Non, mais je crois que... Oh, merci pour le Larsen. Je crois que Yana, les fleurs, elles vont pas leur coûter cher cette année, hein. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu m'insultes? Non, mais je t'insulte pas. Oh, vous arrêtez avec ta musique. Si, tu l'as insulté, là. Ah ouais, pourquoi? Oui. Non, mais attends. Non, arrête. Quand je dis qu'il y en a que pour eux, les fleurs cette année vont pas coûter cher, c'est pas une insulte. Ok? Non, c'est pas une insulte. Je suis désolé. Ah ben, si tu le prends mal, si t'es pas content, tu retournes au standard. D'accord, Jérôme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Gérard? Non, parce que j'ai pas l'intention de. C'est pas des proverbes qu'on se marre. Ouais, c'est un proverbe. Pour toi, cette année, les fleurs vont pas être. Je crois que. Mais ça veut dire quoi? Ça va pas te coûter cher, hein? Mais ça veut dire quoi? Parce que pour l'instant, à mon avis. C'est radin, c'est ça? Voilà. Oui? C'est Nina. Attends, Nina, je vais demander à Vanessa avant. Ouais. Donc, oui. Vanessa, pour toi? Trop beau pour être vrai. Ben, moi, je pense qu'il y a la beauté naturelle et qu'il y a la beauté qui est un peu cachée, c'est-à-dire le maquillage et tout, quoi. Mm-hmm. Donc, faut faire la différence, quoi, c'est tout. D'accord. Donc, Nina, tu voulais rajouter? Ouais, ben, ma réflexion est terminée. En fait, pour être vrai, il ne faut pas être trop beau, hein. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Ok. J'ai pas compris ta connerie sur les fleurs. Non, c'est pas grave. Si tu comprends pas, c'est pas de ma faute, hein. Si je te dis que cette année pour toi les fleurs ne vont pas être chères, bah c'est clair. Ça veut dire que le jour où tu vas offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un, je crois que ça te coûtera pas cher. Comme tu prétends que depuis ça fait la deuxième question que je te pose depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de te vanter. Eh ben, moi, je te dis. Attends. Non, mais moi, je te dis, tu te vantes. Donc, c'est pour ça que je te dis que cette année, les fleurs, elles vont pas coûter cher cette année. Mais c'est une bête de sexe. Ouais, mais t'as pas trop les spikioff aussi. Si, un petit peu, ouais. Ah, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Donc, comment peut-on voir la beauté intérieure puisqu'elle est cachée? Alors, donc, on va demander à Jérôme, comme il se prétend beau. Vous m'excuserez, les nanas. On va demander au vantard. Oui, c'est moi. Alors, le vantard, vas-y. Ah oui, la beauté intérieure, c'est important aussi, parce que ça sert à rien d'être beau physiquement si on n'a pas quelques valeurs humaines, je veux dire. Donc, non, mais c'est sérieux ce que je dis. Ouais. Non, mais vas-y, continue. Moi, j'entends que ça ricane. Toi, ouais, mais, tes fleurs, mais, elles ne seront pas prêtes au printemps, toi. Attends, mais oh. Hey, Jérôme, ouais. Encore une connerie comme ça, je te préviens, tu vas même pas finir le débat, là. Attends, mais c'est pas une connerie, c'est un proverbe. Tu vas te calmer, mon pote, là. Je te le dis tout de suite. Il a rien dit, Gérard, là. Ah ouais, j'ai rien dit, il faut pas déconner. Hein? Ok. Merci, Manu. Non, mais attends, si t'es pas content, merci c'est le même pour prix. Ce que tu représentes. Oh. Donc, Franck. Oui, moi, je pense que on peut découvrir la beauté intérieure de quelqu'un en allant vers cette personne, en parlant avec elle, et c'est déjà surpasser la beauté extérieure, qu'elle soit moche ou pas. Donc, non, mais, ouais, mais Franck, est-ce que tu as bien compris la question? Oui, j'ai compris la question. C'est ça, parce que là, je sais pas ce que tu me réponds, parce que apparemment. Vraiment, c'était de la blague. Ouais. Peut-être que je me suis égaré dans ma réponse, mais. Bon. Comment est-ce qu'on peut découvrir la beauté intérieure de quelqu'un? Comment peut-on voir la beauté intérieure puisqu'elle est cachée? Eh bien, c'est justement en ayant des conversations avec la personne. Olivier, s'il te plaît, arrête de jouer avec la télécommande et vous arrêtez de jouer avec les lumières, à les éteindre et à les allumer sans arrêt. Là, ça commence à me prendre la tête. Il y a des fantômes dans le studio, est-ce que je vois? Olivier, s'il te plaît! Tu n'as rien fait? Jour, nuit. Ça commence à bien faire, hein, maintenant, tes conneries. Faut pas tuer l'ours avant de mettre la charrue avant les bœufs, de manière. Exactement. Bon, Clémentine. Un tien vaut mieux que deux bœufs, tu l'auras. Et la bine, c'est pas le moine. Clémentine. La bine, quoi? Clémentine, tu réponds à la question, ah tu oui, vas bah, ouais, excuse-moi, excuse-moi. Ouais, la beauté intérieure avec une échographie ou il y a des personnes qui s'appellent les devins et qui ouvrent des animaux et qui regardent leurs entrailles et donc elles peuvent voir à l'intérieur. Excuse-moi. Bon, allez. Attendez. Tu sais qui vient de parler de Sandy? Oh, je suis désolée. C'est Jérôme, alors Jérôme, bonne nuit. Non, c'est pas moi. Non, non comme par c'est hasard. C'est moi, je suis désolée. Ouais, c'est génial, alors. T'essayes de savoir là sur les deux mecs et Clémentine, je sens que tu vas pas finir le débat toi. Oh non, c'est pas gentil là, tu me fais beaucoup de peine, Gérard. Mais alors, j'en ai rien à foutre. Oh bah merci, hein, t'es sympa avec les filles au moins. Ouais. Gérard. Bon Gérard, on peut répondre. Et alors Nina. Ouais, bah moi je dis qu'en fait la beauté intérieure, on la découvre par le dialogue, donc avec des conversations, tout ça, des sorties, des promenades, tout ça. On découvre la personne. Et on voit ce qui se cache derrière, quoi. D'accord. Claire? Oui, et ben moi je suis d'accord avec Machine. Avec Nina? Oui, Nina, pardon. C'est en parlant avec les gens qu'on découvre ce qu'ils sont, mais c'est surtout en les faisant parler. Il faut être plus malin qu'eux. D'accord. Ouais. Et Vanessa, pour finir? Comment? Allô? Vanessa? Oui, je pense que la beauté intérieure, elle est presque aussi importante que celle de la beauté intérieure. Olivia, t'arrêtes s'il te plaît avec ce télécommande. Excuse-moi, Vanessa. C'est pour toi de couper la parole aux filles. Oh! Olivia, s'il te plaît, t'arrêtes avec la télécommande ou quoi, la merde? C'est pas grave. La semaine dernière, c'était l'ordinateur, maintenant, c'est la télécommande aujourd'hui. Foulée de claque. Punaise, tu vas pas commencer comme ça à la troisième question, hein? Non, on essaie de faire un débat sérieux. Merde! Non, une fois que ça se passe bien, Olive. Ouais. Oui, pour une fois. Bon, Vanessa. Oui, donc pour finir. C'était bien d'avoir un beau cul, une belle gueule, mais il fallait aussi un cerveau, voilà, c'est tout. Oh. Moi, j'ai tout ça. D'accord. C'est bien de la chance, hein. Ok. Tu habites où? J'habite Paris. Ah, j'ai tout le cerveau, moi. Alors, une belle-mère peut-être l'aide. C'est une question? Oui, c'est la question, malheureusement. Une belle-mère peut-être l'aide? Oui. C'est du vécu ou... Non, mais je vous pose la question. Franck, je peux répondre? Vas-y. Une belle-mère peut être honnête? Non, pas forcément, tu vois. Par exemple, t'as Claudia Schiffer en belle-mère, tu te maries avec ta fille. Elle sera pas affreuse, quoi. Une belle-mère, c'est une femme comme une autre qui peut être belle ou moche, donc oui, ça peut être beau. Ouais, mais peut-être que Claudia Schiffer, ça pourra jamais être ta belle-mère, parce qu'à partir du moment où t'es belle-mère, c'est qu'elle a au moins 40 ans, 45 ans, quoi. Parce que si elle nique avec David Copperfield, je vais voir la gueule du gosse, quand même. C'est clair. Non, elle peut être belle. Moi, je dis qu'elle doit être belle. J'ai un message sur 3615 Fun Radio de Savannah qui dit « Mon GG, la pointe de mes seins se durcit de plus en plus. Ma main glisse lentement entre mes cuisses pour fouiller mon intimité. » Mais c'est pas mal. Voilà, c'est mon téléphone. Hein. Tu la rappelles. Salope. Moi aussi, c'est salope, minute. Hein. On commence pas. Jérôme. Oui. Bon, tu te réveilles ou quoi? Ou tu... Bon, Jérôme. Ouais. Non, tu dors. Non, mais non. Bah écoute, moi je pense que ma future belle-mère, elle a quand même beaucoup de charme. D'accord. Mais est-ce qu'elle est belle? Pardon? Qui c'est qui parle là? J'ai pas compris. Qui c'est qui vient de parler? Oui, c'est moi. C'est toi, c'est qui? Franck. Alors, donne ton nom s'il te plaît, merci. Franck, ta belle-mère a beaucoup de charme, mais je veux dire dans le sens où c'est une femme agréable ou est-ce qu'elle est belle de visage? Bah écoute, je pense qu'elle est mignonne et sympathique, vivante, elle a beaucoup de charisme. Donc franchement, c'est quelqu'un de bien, quoi. Donc c'est l'opposé du stéréotype de la belle-mère, quoi. Ah ouais, c'est clair, quoi. Hein? Elle est ouverte d'esprit, c'est ça, c'est important, quoi. Donc Clémentine? Moi pour l'instant j'ai pas de belle-mère, tu vois, donc je peux pas te dire, mais bien sûr qu'une belle-mère peut être belle. D'ailleurs, je salue toutes les belles-mères de France. D'où le nom de belle-mère. Ok, Nina. Gérard, en fait, ta belle-mère à toi, elle est comment? Je peux pas répondre sur cette question-là, malheureusement. Ah, tu connais pas la mère de. Non, c'est tout. Il y a Catherine qui est belle-mère, son mitel qui a 40 ans et qui demande si on a besoin d'avoir son opinion. Non, non. Bah, ce qu'on voudrait aussi, si. Si. Bon, Olivier, t'arrêtes, s'il te plaît, avec la télécommande, ça commence à m'énerver maintenant. Moi, je trouve ça sympa, ça fait stroboscope dans la. Ouais, mais merde, ça commence à m'énerver. Merde quand même. C'est toi qui me fais du Larsen, là. Non, non, non. Bon, je vais Larsen avec les lumières. Nina. Oui. Oh là là, oh là. Ouais, Gérard, on accueille Luc à la place de Jérôme. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Salut Luc. Donc, je réponds. Oui. Donc, moi, pour moi, toutes les belles-mères sont laides. Il n'y a que ma maman qui est belle. Toutes d'accord. Les mamans sont belles. D'accord. Les belles-mères sont moches. D'accord. Claire ? Ouais, ben moi je dis que quand t'épouses la fille, t'épouses la mère. Donc ben, si ta femme est belle, ta belle-mère le sera. Mère pour avoir la fille. Voilà. Eh ben dis donc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin bref. C'est immonde. Donc Luc ? Et t'as couché avec la mère de ta copine ? Ben Gérard. Gérard étant arrivé au milieu du débat, je pourrais. Gérard, il est pas zoophile. De quoi? Tu pourrais me répéter la question, je vais m'arriver moi. Une belle-mère peut être laide. Ben, oui, tout à fait, j'en suis la preuve vivante. De quoi? Tu es une belle-mère? Tu es une belle-mère? Ben non, pas du tout, mais vous comptez. Oui. Autant de l'intérieur que de l'extérieur. J'ai rien compris, Gérard. Moi non plus, je crois que chum ça veut dire moche, mais c'est du verlan. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais Olivier, s'il te plaît, t'essayes de me donner un peu plus de retour dans mon casque, parce que là, non, c'est pas bien pour toi, parce que tu vas. Ça devient. Non, mais. Là, j'entends très mal ce qu'ils me disent, hein. Enfin, bref. Ouais, Olivier, il y a un Larsen, c'est horrible. Oui, je sais, ouais. Je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute. Lâche ta télécommande alors. Ah, d'accord. Alors, allez. Oh! C'est assez dégueulasse comme Larsen. C'est grave, voilà, ça commence à m'énerver là. J'ai une devant le micro. Oh, oh. Bon alors les vieux beaux. Oh le Larsen, on se calme. C'est grincé les dents. Les vieux beaux. Vas-y, j'ai rentré ta question, vas-y. Les vieux beaux. Non mais là ça commence à m'énerver ce Larsen. Gérard, t'énerve pas. On là, tu sais qu'un problème de satellite, ça va partir, Gérard. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bah, tout compris. Quand ils font du sport, est-ce qu'ils. Est-ce que les belles-mères en vont mieux? Ça dépend quel genre de sport. Est-ce que les beaux sont suis? Est-ce que les beaux. Comment? Est-ce que les beaux sont. Ceux qui font du sport, Notre-Dame. Gérard, c'est quoi la question là? On n'a rien compris. Quand ils font du sport. Ouais, tu te réveilles? Est-ce que les beaux suent? Ah, alors. Oh, le jeu de mots! Est-ce que les beaux suent? De Notre-Dame ou de. Non, Vanessa! Allez. Ben, je pense que tout le monde sue, hein. On est tous humains, même les beaux autant que les moches. Hein. Mm-hmm. D'accord. Luc? Ouais, ben, je pense que tout le monde sue, tout le monde pue, tout le monde chie, tout le monde pisse. Hein. Bien que tu sois beau ou pas. Mm-hmm. Il a raison dans un certain sens. Ouais. Hein. Luc? Franck? Oui, la transpiration est un phénomène général, donc tout le monde transpire, donc ça comprend s'il est beau. D'accord. Clémentine? La transpiration permet l'élimination des toxines et c'est utile. Mm-hmm. Nina? Ouais, ben tout le monde suit, hein, c'est intergalactique. Hein. Ouais. Tout être humain, c'est normal. Et même ultramalactique. Mais Claire? Ben ouais, tous les peaux suent, tous les peaux néem, tout le monde est beau. Alors, peut-on. Non. Et toi? Et toi? De toute manière, la transpiration, tu peux rien faire malheureusement. D'accord. Hein. Ouais, même en faisant du sport. Toi, tu sues beaucoup quand même. Ben, comme tout le monde, hein, c'est tout. C'est pour ça que tu mets beaucoup d'Adidas, non? Non, j'en ai plus. Ah, maintenant, il en a tellement mis qu'il suit de l'Adidas. Maintenant. Non, j'en ai plus, donc c'est. Oui, Zarovec qui pue. S'il y en a qui pouvaient envoyer de l'Adidas. Gérard, moi, je vais t'envoyer de l'Airwick à la radio. Ah, ok. Mais okay. Gérard, oui. Qui sait, donnez vos noms, s'il vous plaît. Donnez vos noms, s'il vous plaît. Oui. Tu te laves chaque matin les aisselles avec du savon avant de mettre du déo là-bas. Bah oui. Bah moi, Gérard, c'est Luc. D'accord. C'est chaque matin, Gérard. Est-ce que tu mets de l'eau? Comment? Est-ce que tu mets de l'eau? En principe, quand tu te laves avec du savon, tu te laves sans eau. Mais je te demande, hein. C'est à toi qu'on pose la question. Non, hein. Ouais, non, mais moi je renvoie à l'appareil. Est-ce que tu mets de l'eau pour te mouiller? Ah, Gérard, il est pas en général, oui, pour mouiller, je mets de l'eau. Hein. Bah, alors. Gérard, chaque matin, tu te laves? Bah oui. Tous les matins? Non, tous les matins. Ça, j'y crois pas trop, mais bon. Tous les lundis matin. Ouais. Tout, oui, c'est ça. Donc, okay. Donc alors, peut-on prendre son pied s'il est beau? Comment? Claire! Peut-on prendre son pied s'il est beau? Un complément, s'il te plaît. Gérard. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes, là, c'est toi qui fais du Larsen maintenant. Gérard, c'est Franck. Oui. Dans ta question, tu dis si elle est beau, mais c'est aussi si elle est belle. On ne ressemble pas tous à Gérard, donc à la limite. Parce que si honneur est... aussi d'abord. Ouais, parce que s'il est beau, ça veut dire aussi si elle est belle pour les mecs. Bah, si tu veux, à la rigueur, ouais. Ouais, ouais, je crois que c'est pas un hein. Donc, j'avais demandé à Claire de répondre avant que Franck coupe la parole. Claire, excuse-moi, Claire. Oui, non, mais je t'en prie. S'il est beau, mais si t'en as rien à foutre, de ça, en général, tu le vois pas, et puis c'est l'amour, c'est pas. C'est pas la photo de quelqu'un, quoi. C'est du sentiment, c'est autre chose. D'accord. Donc, évidemment, tu prends ton pied. Si tu l'aimes. Voilà. D'accord. Nina? Arrête, Olivia, s'il te plaît, te poudre de ma gueule, parce que tout à l'heure, tu as jamais de la pro. Je le dis tout de suite, toi. Jamais j'ai envie de la production, moi. Nina. S'il est beau, ça dépend ce que ça veut dire, si on veut dire beau, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, on le trouve beau, quoi. Beautiful. Comment? Beautiful. Mais ça dépend aussi où est-ce qu'on place. Ça dépend de la beauté. Ça dépend de la langue aussi. Bonito. Beautiful en anglais, c'est pas la même chose que beau en français. Clémentine. Moi j'aime beaucoup mes pieds. D'ailleurs, j'arrive à me gratter l'oreille avec le pied et c'est très utile. Hein. Alors avant que je passe à Franck, tu as vu qu'il y a Vanessa. Tu vas m'expliquer comment que tu peux faire. Il suffit d'être un peu souple. D'ailleurs, là en ce moment, je me gratte l'oreille avec le pied. D'accord. Faut la gerber, Gérard, celle-là. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Franck, peut-on prendre ton pied s'il est beau? Oh, c'est le cul de ta gueule, tu as commencé à te calmer. Peut-on prendre son pied si elle est belle? Je pense que la beauté physique a rien à voir là-dedans. Si non, s'il est beau. Oui, s'il est beau. Oui, le pied. Le pied, oui, c'est moi, je suis pas tellement un... la beauté physique, pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, j'ai pas envie vraiment de m'exprimer là-dessus pour dire quelque chose que je pense pas, quoi. D'accord. Luc? Ouais, moi, vu que j'ai de jolis pieds, de beaux pieds, j'arrive à les prendre dans la main, ouais. Mmh. J'y arrive, ouais. Vanessa? Moi, je pense que c'est quand même important parce qu'on prendra plus son pied avec un top bon qu'avec une grosse baleine, quoi. Et c'est clair que tu vas mettre un mec devant un monstre, il va débander, quoi. Il va rétrécir, même. Non, mais avec les pieds, je te parle. Le pied, tu fais ce que tu veux avec tes pieds, hein. Ah, tu veux dire le pied, le machin qui a 5 orteils? Mm-hmm. Ah, d'accord. Ok. Attends, il y a une chaise. Si on est enfermé avec une belle... Gérard, c'est pas toi qui as préparé ton débat, là? Certaines questions, non? Non, et tout le temps, parce que ça se sent, là. Hein. Ça se sent parce que tu as quand même des questions avec des jeux de mots et tu comprends même pas les jeux de mots qu'il y a dans tes questions, donc c'est pas de bien. Du fait que c'est pas tes questions, tu réponds chacun son tour, c'est mou. T'as déjà la cinquième, donc quoi, dans 10 minutes, on a fini? Conclusion, c'est bidon. Ouais, la conclusion, c'est bidon, c'est nul. C'est un débat sérieux et intelligent. Oh, mais non. Non, la question, c'est pas qu'elle a compris, la salle d'avant. Là, je suis d'accord avec Max. Il faut mettre Ringo. C'est dommage. Non, moi, je préfère Paul McCartney. Sur Minitel, il y a Aristo qui dit que je sens la merde, c'est vachement plus intéressant. Merde, il a cassé la veste, ce con. Olivier. Elle, je ne veux qu'elle. Mais alors, vas-y, pose ta prochaine question, vas-y. De toute manière, vous allez réfléchir, on va mettre un disque. Ah merde, j'ai pas préparé le disque. Je peux chanter, moi, si vous voulez. Mais Manu, c'est toi qui t'amuses là. Tu veux Goldman avec Florent Pagny? Gérard, si tu veux, je peux chanter. Gérard, je vais te dire un truc. Je voulais juste te dire un truc avant. T'as pas répondu à la question, toi. Je voulais savoir. T'as dit s'il est beau, est-ce qu'on peut prendre son pied comparé ou tout? Je pense que toi, t'y arriverais bien quand même, non? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu peux poser ta question? C'est pas pour savoir si tu prends ton pied avec des beaux mecs, quoi. Tu vois, j'ai pas encore changé, mais j'ai pas encore viré ma cutie. Je crois qu'on dit j'ai pas encore viré ma goupille. Non, c'est ma cutie. Non, j'ai pas changé mon fusil d'épaule. N'importe quoi. J'ai pas encore retourné ma veste. De toute façon, que je t'appellerai Balbeur, tu sortiras de la sœur de ma zoif. C'est comment, toi? C'est comment ton nom, là, qui vient de dire ça? Franck, c'est pas moi, c'est Luc. Oui, vous voulez que tu dégages? Vous voulez écouter quoi comme disque, là, parce que... Franck, tu dégages. Tu dégages, Franck, allez. Non, s'il te plaît. C'est pas moi. Allez, hop, bonne nuit pour lui, tant pis. Ça y est, il est parti, Gérard. J'ai une question. Oui. Vas-y, pose la question. Je veux tout rejouer. Vous voulez Spin Sugar, c'est bien ça. Ah, moi, je voulais demoiselle de sirène. Ah, il y en a pas. Hé, les petites salopes de Gérard, il y a pas. Allez, hop, c'est bien aussi. Ça y apprendra. Qui ça, Gérard? J'ai pas entendu. C'est où Franck, il est viré. Franck, il est parti. Eh ben, maintenant, tu vires Luc. C'est moi, j'avoue. Tu vires Luc. J'ai ta question. Alors, Mais un disque. Bah ouais, mais j'attends, il trouve pas, donc on va. Ça m'énerve de non, poser la question maintenant. Non, mais dis-nous ta question, comme ça on va réfléchir, vas-y. Produit du. Bah ouais, mais. Alors, c'est. Si on est enfermé avec une belle, peut-on se la faire? Ouais, on se la fait. Ouais, voilà. Bon, bah, on répond là. Non, vous allez attendre, vous allez réfléchir. Ah, on va écouter Spin Sugar. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu vas demander? Bah ouais, c'est gentil. Ouais, ça c'est nul comme truc. Ouais. Non, on écoute les Demoiselles de Suresnes. Y'en a pas. On les a déjà passé la semaine dernière. On va pas remettre les mêmes disques la semaine dernière. Non, remis. Non, c'est pas ça. Non. Oh. N'hésitez pas à nous appeler au 0803-08-5000 et 0800-70-5000 et toujours Francesca Scott, Fun Radio, rubrique directe. Gérard. Donc Gérard, ça fait la radio. Ouais, merci Olivier d'envoyer pour ça. Donc c'est tout. Mais pas vous jouez là. Mais c'est quoi là ce cercle là, que tu me fais là, Olivier? C'est la fanfare pour. Non, donc c'est la suite des dés. Ouais, Fuller qui rigole comme un canard sauvage. Non, c'est la suite des débats, donc continuez de nous appeler. Je voudrais des réactions sur Minitel, quand même, sur le thème, sur la beauté quand même, parce qu'on en a pas beaucoup, et je voudrais que ça se réveille un petit peu sur Minitel 3615. Scott Fun Radio, rubrique directe. Ouais, toujours au standard. Ouais. Bon, ça y est, Olivier, t'as terminé de jouer au con? Quand j'annonce les numéros pour que les gens puissent continuer d'appeler. Pardon. Donc, vous pouvez toujours nous appeler sur le 3615 Fun Radio Rubrique Direct. Là, vous dites allô sur 3615 Fun Radio Rubrique Direct. Au 0800 75 000 et 0800 375 000. Donc, ouais. C'est toujours les... Tu t'es trompé sur le 0803, t'as mis 0803 75 000 et c'est 0803 08 5000. Ouais, bah, Gérard, est-ce que t'arrives à tenir les ballons sur ton nez là, que c'est comme les phoques là. Gilbert, tu vas pas commencer parce que sinon tu vas dégager tout de suite. D'accord, monsieur. Il y a Savannah sur Minitel qui dit: mon GG d'amour, ma main fouille de plus en plus profondément dans mon intimité et je sens la jouissance monter dans tout mon être. Oh, ça y est, je bande. Appelle-moi. Quelle est son numéro? Ça y est, elle va l'appeler la chienne. La chienne, Gilbert, alors, la chienne, tu vois? Non, mais c'est une chienne, attends, elle est en train de se. Ouais, ouais, se mais toi, t'es un chien parce que tu la traites comme ça, donc si tu continues, c'est elle qui va prendre ta place. Ah, ouais, moi je suis un chien, je suis une chienne, tu vas la prendre dans le. Ouais. Ça y est, on peut continuer les débats que tu vois au con, Olivier. Vas-y, Bozo, pose ta question. Oui. Manana. Manana. C'était quoi le disque qu'on a écouté? Bah, qui c'est qui l'a demandé? Moi, j'aime pas trop la techno. Hein. Bon, si t'es pas content, tu dégages, Gilbert. Bon, c'est pas grave. Ça va aller vite. Je suis content. Ta question, Gérard. Donc, si on est enfermé avec elle, mm-hmm. avec une belle, peut-on se la faire? Alors, mm-hmm. je vous préviens, vous allez tous répondre d'un seul coup, mais si je vois que c'est le bordel, je vais vous calmer d'entrée, d'accord? Attention, 3, 2, 1. On l'a fait pas. Bien faire tes conneries. Attends. Donc, j'ai pas demandé de faire le bordel. Et tu lâches cette télécommande. Toi, je t'emmerde si t'es pas content. Donc, je réponds. Télécommande. Donc, oui. C'est pas toi qui l'a fait la question. Ben, si c'est pas moi qui l'a fait, moi je vous pose la question. Donc. Pas grave, je réponds. Ben, elle répond. C'est quoi ton prénom? Donc, c'est Nina. Mmh. Oui. Donc, au fait, bah écoute, ça dépend du consentement mutuel, quoi. Ça dépend des deux, quoi. Dans quel sens? Ah bah, dans quel sens? Ah, dans les deux, justement. Je vais faire un schéma. Donc, il y a deux personnes. L'autre personne est plus belle que l'autre. Donc, je sais pas, c'est le consentement. Ouais, mais ils sont deux à combien? Comment? Ah, j'ai rien compris. Pas plusieurs, déjà. Ouais, moi non plus. Non. Je voudrais que tu nous expliques. Je voudrais savoir comment ce serait possible qu'une belle fille se retrouve enfermée avec un mec dans une chambre noire. Comment c'est possible? Raconte-moi l'histoire. Bah, à ton avis. Une histoire. Alors, à ton avis. Il achète du roast beef. Non, mais hey, à ton avis. Non, mais automatiquement, il y a certaines filles, quand on fait l'amour, elles aiment bien être dans le noir. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est rentrée avec un mec moche dans une chambre noire? C'est ça. On va le voir, justement. Bah, voilà. Elle avait prévu que c'était moi. Bon, qui c'est qui répond des trucs cons comme ça, là? Donnez vos noms, parce que tout à l'heure, les deux mecs, vous allez gerber. Il y a Sacha sur Resto qui vient de me donner ton numéro portable. Non, mais. C'est. Moi, je crois qu'on avait. 25. Oui, alors là, maintenant, vous gerbez tous. Allez hop. Allez hop. Jingle. Non, mais moi, je rigole pas. Ils n'ont pas donné, il y a beaucoup de portables qui commencent comme ça, c'est pour ça qu'ils peuvent être au courant. Non, mais on s'amuse pas à commencer à donner des numéros comme ça à l'antenne, parce que sinon ça va mal se terminer pour tous. Non, mais c'est juste. Laissez-moi vos numéros de téléphone si vous continuez. Je vais les prendre et je vais les balancer aussi à l'antenne. Ouais, complètement fou, vas-y, fais-le. Alors, je vous préviens d'entrer, calmez-vous. D'accord? Des menaces, toujours des menaces. Alors donc, Gilbert, 01. 43. 61. Claire, donc, si tu es... Oui, 05. Ouais, ben moi, je veux te dire que si un mec croise ça, il peut se toucher profond, quoi. Ouais, bon. Je vois pas ça pour moi. Comment? Tu dis ça pour moi? Non, pour celui qui veut. Mais alors toi, tu donnes ton nom quand dit, quand tu dis toi, parce que sinon ça va pas aller du tout. Pourquoi toi, tu veux que je donne mon nom? Mais alors tu peux très bien répondre en donnant ton nom quand tu parles, s'il te plaît. Bon bah alors. Ah oui. Ok. Donc Nina. Oui, Zézé. Bah écoute, moi je t'ai répondu, hein. Ouais. Donc ça dépend. Les deux personnes elles vont se retrouver. Donc si ça chauffe bien, si tout le monde est, si la personne est en forme, si elle est bien excitée, tout ça, donc ça va se faire, quoi, c'est clair. Donc voilà. Oui. Et toi, Gérard, Gérard, la question, c'est l'excitation. Si la personne est excitée ou pas. Voilà. Non, en fin de compte, si on est enfermé avec une belle, peut-on se la faire? Bah oui, on peut se la faire, ouais. Si on est excité. Bon, celui qui s'amuse à faire la mousse, priez d'arrêter parce que. C'est un fantôme, moi, Gérard. Ça commence c'est à bien faire. C'est un fantôme. Bon, qui fait le fantôme? Non, mais je veux des noms, là. Qui fait le fantôme, maintenant? On se dénonce, mais je sais pas. Non mais c'est bien parce que les blancs, on va continuer à les faire tant que le mec il se calmera pas. Les blancs comme les fantômes. Jingle du cirque avec le fantôme. Gilbert et Will dehors. Voilà, c'est la totale. Arrête avec ce merde maintenant. Sinon j'arrête. Au con, va. C'est le dernier jeudi que tu fais la pro, toi. Elle déconne pas. C'est le dernier jeudi que tu peux la preuve. Je servirai, après je vais être obligé de revendre. Et alors, bah, essaye. Mais tu dis ça tous les jeudis. Plus de preuves pour rien. Gérard, tu vas continuer. Il va finir, tu vas plus y avoir personne dans le studio. Ouais. Vanessa. Standard, je crois que s'il est enfermé, il peut pas s'en faire, non? Non, mais c'est on enfermé avec une belle fille. Pourquoi? Bon, Vanessa, tu te réveilles ou tu dégages? Ok, putain, mais attends, je peux pas parler, t'as vu le bordel. Travail. Donc moi j'aimerais répondre, c'est Gilbert. Moi je pense qu'une belle fille, je pourrais me la faire, surtout si je l'attache et je la frappe avant. Là je me la fais là. Attends, j'ai mal entendu, j'ai cru mal entendre quelque chose. Bah moi si je suis dans une pièce avec une jolie fille, je pourrais me la faire, surtout si je la frappe et je la sonne avant. Non mais attends, et tu tues son chien, Gilbert. Attendez, parce que là, Gilbert, je vais te dire une chose. Tu crois que t'es sûr de trouver quelqu'un si tu t'amuses à lui dire ça d'entrée à la nana? Tu crois? Arrête de me couper la parole. Ouais, je fais les débats. Tu crois franchement que si tu t'amuses à lui dire ça? Attends, tu fais les. Tu crois? Non, mais là, je pense que c'est pas possible. Dans la mesure où c'est pas applicable, oui. Mais oui, je crois. Et si elle parle, je casse la mâchoire en deux. Eh ben, alors, Gilbert, tu dégages, bonne nuit. Mais non, mais attends, j'ai le droit de dire ce que je fais. On est dans un pays libre. Tu dégages, non, arrête. Tais-toi. Jingle. Tu dégages. Fermez ta gueule un peu, Olivier, maintenant. D'accord. Tu crois, Olivier, tu crois que tu vas continuer comme ça? Je tiens à dire que Gérard a failli me frapper. Ouais. Et s'il me frappe là, j'arrête tout. Ouais, bah, dans ce cas-là, tu vas. Allez, lance un dernier atome. Je pose un ultimatum. Je vais lancer. Lance un dernier atome. Jusqu'à une date ultérieure. Oui, d'accord. Bon, okay, Gilbert. Bon, Olivier, tu t'écrases, s'il te plaît, maintenant. Non, c'est mon débat. Ouais, non, c'est pas ton débat, tu vas la fermer ou sinon c'est moi qui dégage. Je l'ai fait une fois à 2h du matin. Je t'appelle le débat de Gérard, je te rappelle, Olivier. Alors fais gaffe à ce que tu fais maintenant. Bon, je m'écrase, je dis plus rien. Non, donc, c'est Gilbert. Bon, embrassez-vous, allez, faites la paix. Gilbert. Jingle. Je peux aller l'embrasser? Bah, allez, embrassez-vous, c'est vraiment. Essaye de venir. Ouais, je vais l'embrasser. Allez. Une poignée de main, une poignée de main. Sur la bouche. Essaye. Allez. Essaye, tu vas te bisous. Sur le cul, sur le cul. Non, sur la bouche. Allez, gênant. Sur la main. Dégage. Un béco, un béco. Donc, Gilbert. Oui. Gérard, t'as pas embrassé Olivier? Oui, c'est Gilbert. Donc, Gilbert. Oui, oui, oui, oui. Tu crois qu'en levant la main sur une nana. Mais je plaisante, je plaisante. Non, mais attends, attends, moi je vais te dire tout de suite, en levant la main sur une nana, c'est que t'as pas de cœur. Mais je plaisantais, c'est okay. Faux. Non, Gérard, il plaisante. Donc, Will, pour toi. Je vous aime. Bon, non, en général, si on t'enferme avec une gonzesse dans le noir, à mon avis, tu penses plutôt à t'échapper plutôt qu'à faire l'amour avec elle. Non, pourquoi, Will? Bah, je sais pas, tu dis pendant ta question, si on vous enferme. Si on est enfermé. Bah, si on est enfermé, mais je veux dire, ça dépend si on a été enfermé ou si on a voulu s'enfermer. Mais, parce que si on a voulu s'enfermer, oui, je pense que les deux personnes sont consentantes dès le départ. Mmh. C'est vrai, peut-être que la fille est dangereuse, on n'en sait rien. Ah ouais, si c'est la fille, c'est vraiment sur le mec. Gérard, c'est tout un roman policier, hein, cette situation. C'est du Cocteau, hein. Ouais, voilà, c'est un roman policier, tout ça. Hein. Écrit un livre. La fille, je sais pas, elle kidnappe le mec, elle l'enferme dans le noir. Un peu femme fatale, tu vois, le style. Non, mais attends. Attendez, mais pourquoi femme fatale? Moi, je vois pas du tout. Bah, moi, je pense, Gérard, que t'es le croisement entre Patricia Highsmith et une pute. Oh là là. Patricia Highsmith, c'est bien une pute. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est une femme fatale. Gérard, c'est cher. Oui. Et toi, si un jour tu te retrouvais enfermé dans un ascenseur, par exemple, avec une belle, tu crois que tu te la ferais? Ça dépend s'il n'y a personne, oui, s'il y a du monde. Hein. Gérard, c'est Will, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Si tu te retrouves coincé dans un ascenseur, en général, tu veux sortir. Avec une belle. Hein. Ah, la fille, il y a suicide pas. Direct. Ouais, c'est un peu Walt Disney, la belle clochard dans l'ascenseur. J'ai une question à te poser. Ouais, mais donne ton nom, s'il te plaît. C'est Nina. Je voulais savoir si jamais... c'est Nina qui parle. Mmh. Donc si jamais... voilà une situation tirée d'un roman policier, d'accord? Mais non, c'est pas... Non, mais laisse-la parler. Gérard, il y a une femme fatale, tu vois, grosse poitrine, blonde, pulpeuse, tout ça, qui te ligote les mains et tout, et est-ce que... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ta réaction? Bah, tu vas te faire, tu vas être content, que tu fais? Déjà, je me laisserai pas ligoter. Ouais. Non, mais elle te baillonne, elle te ligote. Et tu vas voir après. Et elle te dit que si tu veux qu'elle te détache, ben il faudra passer à l'action, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais? Déjà, je me laisserai pas ligoter, déjà pour commencer. Ouais, tu vois un petit ligoter. Ricard. Ouais. Non, mais imagine. Non, mais laissez répondre, Gégé, s'il vous plaît. Donc vas-y, Gégé. Non, mais moi je peux te dire tout de suite que je me laisserai pas ligoter d'entrée, donc automatiquement je pourrais pas me la faire. Non, mais elle se détache seulement si tu acceptes de passer à l'action. Bah, c'est à elle de décider, c'est pas à moi. Et mieux, si nous deux, Gérard, on se trouvait dans un carton sous un pont, est-ce que tu me violerais? Bon, alors, tu sais qui vient de dire ça? Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Non, c'est une situation intéressante, je veux dire. Il faudrait demander l'avis de Sandy, non, de pas de Sandy, de Anna. De Anna. Bah oui. Anna, c'est qui? Anna? Je sais pas. Ah, oui, il est complètement jetardé. Toi, c'est la Gégé. Oui. Tu te retrouves avec un mec, qu'est-ce que tu fais? Non. Tu te baillonnes et tout. Non, mais attends, j'ai déjà dit que tout à l'heure, j'avais pas encore viré ma cutie. Donc, je sais. Ta goupille. Ta goupille. Bon, j'ai ce que je veux, d'accord? Moi, j'ai juste aidé. Un mot de vocabulaire de plus, ça fait jamais de mal. Putain, c'est complètement connard, toi. Gérard, t'as pas 7 sur 7. Gérard, 7 sur 7. Pardon, 7 sur 7. Ouais. Alors là, la question, ça va plaire à toutes les nanas, même aux deux abrutis de service. Toi, t'as pas répondu, Gérard, je pense. Oui. À la... Mais moi, j'ai dit que de toute manière, le jour où je me ferai enfermer par quelqu'un... Ça c'est un... Ouais, tu te retrouves enfermé dans un ascenseur. En attendant, sur le 36-15 sur la radio, il y a Savannah qui laisse un message. Ma main s'enfouit au plus profond de moi. Mais, depuis tout à l'heure, ouais, on te demande de prendre son numéro de téléphone, vous ne prenez pas. Et ma main se mouille de plus en plus. Non, mais toi, Olivier, quand on te demande quelque chose, ça devient dur pour toi. Un fluide, c'est cool. Ah oui. À quoi que ça sert, tu viens de faire l'apro le jeudi. Hein. Gégé, oui. C'est Nina. Si tu te faisais enfermer par fesse de babouin, qu'est-ce que tu ferais? Alors Nina, tu veux dire Nina, quoi. Ah non. Nina, tu dégages une fille. Tu dégages une fille, ouais. Ouais. Allez, au revoir, Nina. Au revoir, Nina. Au revoir, Nina. Nina, bonne nuit. Bonne nuit. Non, c'est pas la peine de rappeler, tu passeras pas à la SQR. Plus jamais. Olivier, les chiffres et les lettres. Non, mais là, on va... continuer le débat. Là, alors, un A. Non, non, on ne fait pas les chiffres des lettres, c'est dommage. Voilà, c'est sympa. Donc, faut-il être beau pour faire l'amour? Là, bah, c'est des questions. Que non, hein. Alors, qui, non? Heureusement que non, oui. Qui, non? Mais c'est répondez, mais donnez-vous nom, merde. Moi, j'ai jamais été moche. Ça commence à bien faire, là. Non, mais laissez-les. Laisse. Ah, ok, c'est bon. Bon, toi. Laisse-les parler un peu aussi, genre. Ouais, mais je leur pose la question, tu qui réponds. Alors, c'est quoi la question? Faut-il être beau pour faire l'amour? Bien sûr. Réveillez-vous. Non, c'est clair. Oh! Pourquoi? Moi, je vais dire un proverbe. Vas-y. Heureusement que Dieu a inventé l'alcool, c'est pour permettre aux moches de pouvoir faire l'amour. Ouais. C'est alors, qui c'est qui donne ce, qui c'est qui vient de dire ça? C'est clair. Et pourquoi tout de suite l'alcool? Ouais, c'est quoi ton proverbe, Gérard? À noter que Gérard. C'est pas moi qui dis la chute. Belle coordination. Hein. C'est pas moi qui dis la chute. Non, mais je sens que. Ou Will ou Gilbert, vous allez dégager. Ah non, j'ai rien fait. Non, j'ai posé la question seulement. Gilbert, il est là depuis le début, je fous le bordel. Non. Ah si, Gilbert, attends. Non, mais Gilbert, tu vas pas foutre ton bordel longtemps, je te le dis tout de suite. Non, mais je suis sage. Non, ouais. Donc maintenant, vous répondez. Alors si vous voulez pas répondre, vous dégagez. Non, Gilbert, donc moi, je sais pas, parce que. Non, mais vous vous réveillez ou quoi? Ouais, on est là. Oh, mais vas-y, Gilbert. Ils dorment ou quoi là? Mais non, ils dorment pas. Mais si. Tu nous laisses parler. Non, mais attends, Gérard. Pas, Gérard. Laisse-moi parler. Will, je réponds. Vas-y, Will. Will et je réponds. Je peux y aller, Gérard? Ouais. Bah vas-y. Moi, ouais, Gilbert, tu t'écrases. Non, attends, Gérard, laisse parler un peu Will. Vas-y, Will. Bon, alors, Will, il dit que heureusement que non, on n'a pas besoin d'être beau pour faire l'amour. On peut être moche aussi. Parce que le pouvoir sexuel est quelque chose que Dieu a donné à tout le monde. Et, t'as intérêt à te réveiller, toi. Et les beaux n'ont pas le droit de le monopoliser. Voilà. D'accord. De toute façon, tu sais ce qu'on dit, c'est l'amour qui baise le mieux. Hein. Qui dit ça, qui réagit comme ça? C'est clair. Hein. Ouais. C'est clair. C'est net. Là. Hey, Clémentine, tu travailles, s'il te plaît? Bah oui, ce que je voulais dire, c'est que l'amour est aveugle. Donc, de toute façon, être beau ou laid, ça n'a aucune importance. Sa canne est blanche. Il voit pas le rapport. Et quand l'amour traverse, je l'écrase. N'importe quoi. C'est bien imaginé. Bon, Vanessa. Ouais, mais je voulais dire que tout le monde avait le droit de baiser, quoi. Et pas que les beaux, que les maigres, que les gros, et etc. Bah ouais, quoi. Un trou est un trou, la bite n'a pas d'œil. Voilà, exactement. Manière. Comme disait Claire ou Clémentine, je sais pas. Donc l'amour rend aveugle. De toute façon, dans le noir, on est tous beaux. Pas évident, hein. Oh, bah si. Il y en a qui préfèrent avec la lumière, il y en a d'autres sans lumière. Il y a Sandy sur Minitel qui dit heureusement qu'il ne faut pas être beau pour faire l'amour, sinon Gérard, tu serais encore plus saut. Quelle conne. C'est dégueulasse ce que tu fais là. Alors je vais te dire une chose, que celle-là qui s'amuse à prendre ce pseudo-là, ah, c'est peut-être la vraie. Prié. Non, c'est Sandy, elle prendrait pas ce pseudo. GG, pour un Smarties, moi je te suce. J'en ai rien, je m'en fous. Toujours la même. Ouais, ben, quelle est son numéro? Je vais savoir tout de suite si c'est elle et qu'elle s'amuse pas à prendre des surnoms comme ça parce que ça va chier pour et son. Et on demande si Sandy est aveugle. Ah ben là, je répondrai pas du tout à cette question. Elle est morte. Genre, à quel âge t'as eu ton premier amour? À 13 ans. Ouh là là, précoce. Ah, le tombeur. C'était dans un bois à côté de la radio. Gérard, dit Sandy Vincent, le tombeur. Donc, je voulais vous poser une question à tous. Oui. Alors, qui? Non, mais c'est même pas une question sur le ça a rapport avec la beauté. C'est une question supplémentaire. C'est une question. Bonus. C'est la bonus. Ouais. C'est la question numéro. Olivier, tu me fais chier. Olivier, c'est Will. T'arrêtes Olivier, tu commences à nous faire chier. D'accord, Will. T'es là pour régler les niveaux du son, pour avoir du retour et passer les disques, et pas pour faire le zoo avec les boutons, d'accord? Ok. Dans le noir et tout allumé. En fait, j'ai fait l'amour dans tous les jeux de lumière possibles, inimaginables, que ce soit dans le noir ou super bien éclairé. Et je dois dire que les sensations, tu vois, c'est les mêmes, quoi. C'est pas l'éclairage. Je suis pas d'accord. C'est pas l'éclairage qui te fera avoir plus de plaisir ou autre chose. C'est vraiment de partager quelque chose de bien précis avec une femme. Non, quand pour moi, c'est ça. Moi, je préfère faire dans le noir parce que quand j'ai la lumière. Non, c'est pas chacun leur tour. Tu les laisses parler un peu, Gérard. Mais oui, mais c'est pas chacun ça. C'est un débat, laissez parler un peu. Laissez parler un peu, monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Alors, c'est pour ça que j'allais parler, mais laisse-les réagir au lieu de leur couper la parole. Bah oui, tout le temps. Mais je les ai basés du chacun son nom, quoi. Ouais, voilà. On a donné prénom, ça s'appelait prénom. Donc c'est Gilbert, je peux répondre? Gilbert. Ouais, donc moi je préfère Olivier, faire... Olivier, tu t'écrases, s'il te plaît, c'est moi qui mène le débat, c'est pas toi. Ouais. D'accord, monsieur. Donc moi je préfère faire l'amour dans le noir que allumé, parce que quand la lumière est allumée, je te vois faire des grimaces. Non mais attends, là, Gilbert. Ouais. Je crois que t'as pas tellement, je crois que t'as pas du tout compris la question. Mais si, tout à fait, oui, je t'en prie, c'est ça le message. Gilbert, tu comprends? Allez. Bon, appelez-moi, je raccroche, au revoir, vous m'énervez là. Ouais. Salut. Moi aussi, allez, j'en ai marre. Moi aussi. Eh ben, voilà. Ok, bon, on se retrouve un peu là pour là. Oula. Bah, tu coupes tout, tout le monde. Ça, Donc, il reste plus que qui? Alors, Vanessa? Ouais, je suis là. Donc, Clémentine? Ouais. Jeanne? Ouais, je suis là. Et Claire? Claire? Ben non. Elle a raccroché, allô, je crois. Eh ben, elle a raccroché. Ben, c'est bien comme ça. Je sens que ça va être vite fait, moi. Ben, je crois, voilà. Bien je joué. Crois je crois qu'il y a 2h30, ça va être bâclé. Hein. Ah, ben là, il n'y a plus personne. Hein. Bien joué. Si, il reste Vanessa, Clémentine non, et Jeanne. Non, non, mais non. Ils ont tous raccroché. Hein. Bon, bah, alors, bon bah, alors c'est terminé. Je bon, voilà. Aussi. Donc c'est fait en radio, vous allez pouvoir retrouver les nuits sans pub. Voilà. Avec Bart. Voilà. Gérard s'en va. C'était la dernière, Gérard. Non, bah, ça s'est mal passé là. C'est fini. Et moi, c'est fini. Bah, t'arrêtes pas de faire tes conneries avec une musique. Oh, donc moi, c'est terminé. Bon, bah voilà. Bah, c'est fini. Alors, là. Voilà. Ils s'amusent. Non, mais ça l'amuse. Donc moi, je rentre chez moi et c'est tout. Je l'ai déjà fait une fois, mais là, je leur fais encore une autre fois. Ouais, c'est-à-dire. Tant pis pour vous. Bon. Salut. Ah là, non. Là, ça va être. T'as rien fait ce soir, Gérard. Tu vas jusqu'au bout, tu vas pas jusqu'au bout. C'est un métier. Attends, ouais. Ils ont tous raccroché. Je les laisse réagir tous. Je suis en train de les rappeler, là. Personne ne réagit. Lui, il t'arrête pas. Lui qui arrête pas avec sa musique. Il coupe la parole à tout le monde, il s'amuse. J'ai rien fait. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu veux, si tu veux faire de la pro une merdique, eh ben tu restes chez toi, hein, tu viens pas me faire chier. Ouais. C'est tout. Alors maintenant, tu trouves un disque. Quoi, en attendant, tu as tout le monde. Je suis en train de rappeler, ça y est, j'ai bien. Donc, alors attention, on accueille quel numéro? Clémentine. Oui, bonjour. Jeanne. Oui. Claire. Oui. Noël. Gilbert. Oui. Et Vanessa. Ouais, okay. Non, non, attends, Gilbert m'a traité d'enculé. Non, non, c'est pas moi. Non, non. Mais non, c'était Will. C'était Will. J'ai viré Will. Ouais, c'est Will. Tu me remarques tous les noms. Okay. Voilà. Mais c'est les mêmes, hein. Sauf Noël qui a remplacé Will. Bon, vas-y, allez, pose la question. Bon, alors donc, je vous ai posé la question. Donc, qui c'est qu'on récupère? Claire, Jeanne, Clémentine. Vanessa. Noël. Bonsoir. Gilbert. Et Vanessa. Ok, ouais, vas-y, donne les noms, Gérard. Donc, alors, la question était, est-ce que vous préférez faire l'amour avec la lumière allumée ou pas? Voilà la question. Donc maintenant, vous pouvez tous réagir, mais sans bordel, Claire. En donnant vos noms. Claire. Oui, Claire. Les deux, c'est bien, mais quand tu peux regarder ton partenaire dans les yeux, et je sais pas, enfin bon, ça se décrit pas, quoi, ça se ressent, mais c'est quelque chose de très fort qui passe, quoi. Mmh. Mais pour toi, donc, tu préfères faire... Non, les deux, j'aime bien dans le noir aussi, quoi, tu fais ton truc à toi, quoi. Mmh. Vanessa? Oui, Vanessa. Mais je préfère dans le noir parce qu'en fait, ça fait plus fantasmer. En fait, on imagine plus, donc je trouve que c'est mieux. Mmh. Clémentine. Oui. Moi, j'aime bien une lumière tamisée, tu vois, un peu orange ou le coin du feu, comme ça, on est 10 fois plus beau, quoi. Attendez, c'est moins partagé, ça a l'air marrant. Attendez. Non, c'est le message de Sandy, salope, c'est marqué. D'accord. Ah, c'est pas drôle. Qui donne le téléphone de Gérard? Tu peux faire voir, s'il te plaît? Ah, bah, bien sûr, attends. Tu peux le dire? Non. Donc, Olivier est en train de monter une Minitel à Gérard. D'accord, c'est bien. Ça lui a pas fait plaisir, je crois. Voilà, comme quoi je mens pas, Gérard, hein, parce que tu. Non, mais elle a l'intérêt de faire gaffe à son matricule. Quand tu vas rentrer à la maison. Elle a l'intérêt de faire gaffe à son matricule, ça, là, parce que c'est pas la mienne. Donc, je te réponds, c'est Gilbert. Ouais. Vas-y. Donc, moi, je fais de l'amour, la lumière allumée. Parce que moi j'ai tendance à cracher pour lubrifier ma copine. Donc l'autre fois je crachais, j'avais des molars plein les murs dans le noir. Donc maintenant je fais ça à la lumière allumée. Mais il faut pas cracher à distance, faut cracher à tout près. Bah ouais, mais même. Non mais donnez vos noms quand vous voulez réagir. Ah ouais, c'est bien. Non mais Gilbert. Oui. Gilbert. Oui. Je pense que là. Oui. Ce que tu dis de cracher comme ça, je vais te dire une chose, c'est vraiment. Écoutant. Non mais c'est une technique indienne si tu veux. Ouais, mais peut-être, mais c'est quand même, c'est un peu dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, mais bon, je t'en ai. Moi, je plains bien ta copine, hein. Tu veux quoi? Je plains ta copine, hein. Tu veux quoi? Je plains ta copine! Je plains ma copine! Oh là là! Bon, allez, oui, hein. Ça s'appelle le baiser du dragon. Eh, Gilbert, réveille-toi quand on dit que quelque chose. Jeanne? Oui! Bah écoute, GG, moi je suis pucelle, hein, donc je sais pas quoi dire, mais j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de lumière. Et qu'il y ait une lumière aveuglante. Mmh. Et voilà. Qui c'est qui disait là avec une lumière tamisée Avec Clémentine. Ouais. Je disais que c'était plus joli, tu vois, ou au coin du feu, ou tu vois, des lumières un peu orange et tout, chaleureuses. Bah, je sais pas, je trouve ça joli. Ouais, genre, comment qu'on peut dire ça là, des jeux de lumière un peu de toutes les couleurs là. Ouais, ce soir en boîte, Gérard Mick. Ce soir. Mais non, par exemple, non, vous vous marrez. Bon, bah, je sais pas qui c'est qui se marrait quand je disais ça. Sur la piste, Gérard en Levrette. Non, mais il y a un truc que je disais. Donc, c'est, je réponds à Clémentine quand même à ta question. Donc, je pense que ton truc là, bon, bah, avec différentes couleurs. Non, mais non, moi c'était une seule couleur. Hein. C'était juste une lampe orange ou tu vois, qui fasse une jolie lumière, tu vois. Mais pas forcément toutes les couleurs, on n'est pas en boîte non plus. Ouais, mais admettons que sur une musique aussi, tu peux. Ah oui, ouais, un peu de musique, de l'enfant, la totale quoi. Mm-hmm, d'accord. Et Noël ? Bah, moi je partage un peu la vie de tout le monde. J'imagine que faire l'amour soit de couleur ou en noir et blanc, ça peut être intéressant. On a essayé le noir et blanc, bon, on a vu qu'aujourd'hui avec les techniques modernes, on pouvait atteindre des effets spéciaux, etc. J'imagine que c'est intéressant. Ouais, exactement, je suis d'accord. On peut atteindre des couleurs de l'infini, ces choses-là, plus de la musique. Bon, bah, on fait un scénario, et puis on s'éclate, et puis voilà. Et tu craches. On a plusieurs à faire l'amour, on partage différentes choses de son et de lumière. Moi maintenant je vais quand même vous répondre. Ouais. Moi personnellement je préfère faire l'amour lumière éteinte. Même pas excuse-moi mais je trouve ça un peu frustrant. Comment ça? Bah écoute, j'imagine que dans le noir il y a aucune liberté quoi, tu réduis tout. Mais bah, non, pas du tout, au contraire, ça développe ton imagination. Oui, mais comme Gérard, il a... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, niveau imagination, c'est pas ça. Par exemple, j'imagine Christine sans jeu de lumière, sans rien, avec toi dans le noir, ça va être... On parle pas de Christine. Attendez. Non, mais moi j'en parle, faut... C'est Noël. Noël. Oui, on était à la nouvelle année déjà. Noël. Oui. C'est toi qui viens de parler de Christine. Bah tout à fait. Eh ben alors, bonne nuit. Noël tous les jours. Allez hop. Noël, allez hop. Voilà, merci. Allez, salut. C'est Jeanne. Oui. Ouais, je voulais te dire, tu sais, c'est bon, je voulais te donner une petite info, là. Mmh. Il paraît que il y a Christine qui a contacté un éditeur pour écrire un bouquin sur toi. Alors, Jeanne. Avec elle. Jeanne. Oui. Tu vois, alors, c'est Je te préviens une chose. Oui. Ou tu te calmes avec ce nom-là, ou sinon tu gerbes aussi. Non, en plus, Jeanne, elle a la voix de Nina, c'est la même. On me la fait pas, moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est la même personne. Ouais, j'ai l'impression, hein. Ah, c'est vrai, hein. J'ai l'impression. Jeanne et Nina, c'est la même. C'est pas possible, elles sont sur deux lignes différentes. Non, parce que Nina, on l'a plus. Et ça a été remplacé par Jeanne. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Elle a dit qu'elle allait rappeler pour se faire passer sous un autre nom. Alors, on me le fait pas à moi. Ouais. C'est pas le bon numéro. Ah, Gérard, il est pas né de la dernière pluie. Il faut pas prendre les gens pour des canards sauvages. Voilà. C'est vrai, ça. Comment? Qui c'est qui vient de dire que c'était con? C'est pas moi. Et Gérard, faut absolument que tu utilises tes cotons-tiges pour tes oreilles, quoi. Ouais. Tu sais? C'est clair. Ouais. Je te dis que t'étais pas si con. Rapide. Ah bon? C'est clair, hein. Comme de l'autre. Bon, j'ai ta question. Donc toi, Gérard, tu fais l'amour dans le noir. Mmh. Bah ouais, pourquoi? Et toi, connard de fil d'art, vas-y. Connard de fil d'art. Moi, je fais l'amour avec Manu. Tu fais comment l'amour, toi? Dans la baignoire, tout nu, dans la lumière, avec des combos, dans des boîtes. Avec des photos de Christine, ça m'est grave. Avec des canards? Ouais, avec des connards et encore. Gilbert, on a que K2R. K2R. K2R, putain, mais. Hey, Gérard, là, tu m'entends? C'est pas bien, faut pas que les mecs ils s'amusent à rappeler. Je te préviens que c'est pas moi qui l'ai sélectionné, tu t'adresses pas à moi, Gérard. Ouais, non, mais moi je te le dis tout de suite, c'est pas la peine. K2R, on t'écoute. Non, mais c'est pas ça, c'est K2R, ouais, tout à fait. Je sais pas qui a dit ça, Manu, t'es vraiment un branleur. Ouais, c'est bien. J'ai à le dire déjà d'une. Je sais pas si on m'entend bien, j'espère que Olivier. Au revoir, K2R. D'accord, c'est direct. Regarde ce qu'il fait. Bah non, mais c'est bien. Moi, Manu, je t'aime. Je t'aime, Manu. Il m'a insulté. Hein. Ouais, Manu, je t'aime. Moi. Voilà, comme ça. J'adore. Il allait parler de moi, là. C'est pas ça. Voilà, c'est bon. Arrêtez de faire chier, Manu, il est sympa. Alors, que pensez-vous de... Alors maintenant, la question, il est... Sur le fait que tu fais l'amour dans le noir, moi, je voulais dire que ça m'arrange, parce que pendant que tu mets des coups de quéquette dans la couette, moi, je fertilise ta copine. Alors, Gilbert, bonne nuit à toi. Non, c'est K2R. Cadeuère, je crois qu'on t'avait viré. Non, c'est lui que je viens d'avoir. Voilà, allez, bonne nuit, Cadeuère, bonne nuit. Mais comment tu fais pour mettre ta capote dans le noir, Gérard? Ah bah ça, de manière... Mais un sac plastique. Même pas, tu vois. C'est l'ophane. Bah, non, même pas. La lumière du radio réveil, c'est peut-être pas assez, hein. Non, mais même, même sans avoir la... l'heure sur le cadran, ça, je vois pas le rapport. Hein. Oui, mais il n'y a pas de rapport, là. Mais si, il y a une capote en forme de réveil. Dans le noir, la lumière, c'est le radio réveil. Bah oui. Mais, même en ayant une lumière rouge, ça gêne pas. Hein. Oui, mais comment est-ce que tu fais pour mettre ta capote dans le noir? De toute manière, tu la mets avant déjà pour commencer. Ah ouais, ouais. Tu la mets maintenant, c'est avec son pas douche, on est en jusque ça. Et après, tu te lèves et tu vas éteindre. Voilà. Non, comme j'ai la lumière moi, à côté de ma main, donc moi, ça me suffit. Ah ouais, et tout ce qui se passe avant, donc c'est pas dans le noir en fait. Les préliminaires, c'est allumé. Ah bah non, les préliminaires, on les fait en même temps. Hein. Ouais, il y a un message de Sandy sur Minitel qui dit d'ailleurs qu'elle est obligée d'éteindre la lumière après les préliminaires pour pouvoir finir, sinon elle n'y arrivera jamais. Non, mais alors elle va éviter de prendre le nom de ma copine parce qu'elle commence à me les brouter, surtout en balançant mon numéro de portable comme elle a fait. Ouais. Alors donc, Sandy. Non, Olivier, t'arrêtes avec ce musée. Donc, on va passer à la 9e question. Que pensez-vous des top modèles à la radio? Il n'y en a pas. Ah ben, si, il y en a sur certaines radios, je suis désolé. Ah bon? Des noms. Ah non, mais je ne donnerai pas de nom de radio, je vous pose la question. Ah, mais c'est vrai qu'Arsène, il y a un top modèle. C'est qui? C'est toi, DG. Et qui c'est qui dit ça? Non, mais je pense qu'on va mettre un disque, vous allez réfléchir. Disque, mais vas-y, tu vas y réfléchir maintenant. Ta question, c'est quoi la question déjà? C'est que pensez-vous des top modèles à la radio? À la radio, quand on les voit à la radio. Compliqué. Ouais. Moi, je pense que ça dépend du profil sur lequel on le voit. Qui veut répondre? Gauche. Qui veut répondre? Moi je veux bien. Vas-y. Bah ouais, mais je disais, ça dépend de quel profil on les voit. Ah, ok, merci. Bon, je vais répondre. Il est nul, Manu. Il est nul, c'est vrai. Il est zéro standard. Non, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien, le Manu. Non, allez, tu dégages. Non, mais lui, il est nul au standard. Il est zéro. Et puis, lui, toi, la grosse, encore pire. Moi, c'est moi. Excuse-moi, Gérard, on accueille Z Bull Dragon. Ah, il y a Sandé qui relâche ton numéro portable. Elle dit, appelle-moi. Bon, Liv. Oui, merci. On accueille Z Bull Dragon. Salut. Salut les meufs. Bon, tu restes poli quand même avec les nanas. Ouais. Tu dis pas les meufs, d'accord? Ouais. Salut les autres. Donc, alors, j'ai posé la question si vous voulez répondre. Bah, pas tout de suite, on met le disque, on y va. Si pas. Tu veux bien, ouais. Je vais faire pipi. Okay. Coup, là. Bon, alors, vas-y, on va. Alors, on met le disque. Et voilà, vous venez d'écouter Bonne M avec Dali Cool. Merci pour celui qui est. Les auditeurs, Manu! Ok. Ok, merci. Donc, attends, on va recommencer peut-être. Bah non, c'est pas la peine de recommencer, donc on va. Donc vous venez d'écouter Bonne M avec Dali Cool, et si vous voulez continuer de nous appeler pour le Libre Antenne du jeudi, dans les débats, donc vous pouvez y aller au 0803 08 5000 et 0870 5000 et 3615 Conpon Radio Rubrique Direct. Ok, voilà, donc on récupère Clémentine, oui, Jeanne, Claire. Oui. Z Bull Dragon 2. Gilbert. Ouais. Hey. En espérant que tu vas te calmer parce que sinon tu vas virer vite fait, toi. Ok. Pas comme tout à l'heure. Et yep. Vanessa pour finir. Tu m'as pas appelé. Et Vanessa. Je suis là. Qui c'est que j'ai pas appelé? Jeanne. Et puis Jeanne, si je t'ai appelé, hein, mais non, fallait. Non, ma pauvre. Ouais, fallait peut-être te réveiller un petit peu. Gilbert, ça commence à bien faire. Merci. Donc. Que pensez-vous des top modèles à la radio? Donc, je vous écoute. C'est une Moi, j'aime bien Fildar. D'accord. On a dit les top modèles. On n'a pas dit les moches. Hein. On n'a pas dit les animateurs. On n'a pas dit les animatrices. Moi, j'aime bien. Attends, celui qui s'amuse à prendre la voix de nana, il va dégager. Ça va aller vite, hein. Ouais, s'il te plaît, tu ne parles pas comme ça. Hein. Mais c'est comment ton nom? Hein? C'est comment ton nom? C'est Vanessa. C'est pas vrai. Moi, celui qui me fait bander à la radio, c'est Cyril. Ah bah ça. Je réponds. Ouais. C'est Jeanne, donc. Avec sa coupe courte, il mixe. Non, alors Jeanne. Ouais, bon, moi, les top modèles, le seul top modèle que je connais, c'est Manu. Mm-hmm. Merci. Oh là là, n'importe quoi. Mais... Oui, on est d'accord, on est. Ça va bien, Gérard? C'est le grand modèle alors. C'est qui là? Ouais, super. Je me suis branché sur ton tatou, c'est quoi ce bordel? Il y a du monde sur le tatou, hein. Je peux intervenir, hein? Oui. Attends, oh, qui c'est qui parle de tatou là? Oh! Oh, c'est Hubert. Non. Qu'est-ce que c'est celui-là? On m'a dit non, on passe pas. Tu passes sur tout le monde par le biais du tatou, il a dû pirater, je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, il a piraté la ligne, il a piraté. Attends, je suis dans la cabine là. Bon. Gérard, c'est pas malin. Ouais, Gérard, c'est pas grave, vas-y, allez. Mais bon. C'est quoi ce bordel là? C'est quelqu'un qui a piraté la ligne téléphonique. Bon, Gérard, alors que pensez-vous des top modèles à la radio? Je voudrais bien que morning ou tu vas entendre un peu toi. Ça n'existe pas les top modèles à la radio. Pourquoi? Parce que attendez, laissez-le un peu répondre. Parce que tu vas me piéger toi. Ouais. Ça n'existe pas à la radio, mais ça dépend des radios. Je veux dire des radios à grande écoute comme Fun Radio, je pense qu'il y a des top modèles. Ah, je t'ai bien niqué là. Ah, t'as voulu me piéger? Ouh. Allô. Tu vas la fermer ta gueule. Ok, y a pas de problème. Ouais. Tu vas la fermer ta gueule maintenant. Zadbou le dragon. Ouais, bah moi j'imagine mal le doc en femme quoi. Hein, mm-hmm. Je veux dire quoi, j'imagine mal faire l'amour avec lui. Ah d'accord. C'est pas mal. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est que c'est pas un top modèle, quoi. Par exemple, c'est Cyril, ce salaud, qu'est-ce qui m'excite? Oh là là. Reste poli, s'il vous plaît. Ah, Cyril, tu m'excites. Non, moi, c'est Gérard. Ouais. Ouais, c'est Jeanne. Non, mais attends, Jeanne, s'il te plaît, je voudrais bien que Vanessa, Claire et Clément. Zadboul Dragon, ils finissent quand même. Et que Zadboul Dragon termine quand même. Bah moi j'ai dit que des top modèles à la radio, je ne connaissais pas, mais que Fildar était pas mal. Bon, bah d'accord. Il y en a aux États-Unis, hein. Et c'est qui vient de dire ça? Zadboul Dragon. Non, mais qui parlait de Fildar. Oh, les nanas, là, quand je vous demande qui c'est. Oh, non, mais réveillez-vous ouais, un peu, merde. Là, dans le débat, on parle que de Fildar. Bon, bah, je vais... jaloux. Ouais. Bon, Gilbert, si ça te plaît pas, c'est le non, même prix. Gilbert. Bon, il n'y a pas d'Uber sur ma liste, alors tu fermes ta gueule, ouais, maintenant, tu raccroches, ok, salut. Clémentine. C'est le pirate. Clémentine. Bah, je pense qu'il n'y a pas de top modèle à la radio, parce que la radio, ça rapporte pas assez. Et pourquoi? Tortiller son cul sur un podium, ça rapporte vachement plus que de parler à la radio. Ouais, t'es pessimiste, hein. Ouais, mais, Claire, Clémentine. Ouais. Moi, je te pose la question, pourquoi, maintenant? Ouais. Bah, parce qu'à la radio, la top modèle, on la voit pas. Alors que quand on la voit, bah, on est content. Enfin, on est content. C'est vrai. Mais bien sûr qu'on la voit à la radio, la top modèle. Bah, ouais, on l'imagine, en fait. Non, mais rien qu'au son de la voix. Non, mais rien qu'à regarder. Bah, je suis en plein effort. Oh, ta gueule, toi, va te faire foutre. Ah, je t'ai déboulé un de ces cakes, un papy brosse, là. Donc, qui c'est qui a pas répondu? Vanessa, t'as répondu? Moi, j'ai pas répondu, moi. Vanessa? Oui, j'ai répondu. Moi, j'ai pas répondu, c'est clair. Ah, bah, Claire, vas-y, dis donc. Bah, ça dépend, en fait, si c'est de la radiophonie ou de la radiovisuelle. Bon, en général, les top modèles, vaut mieux les voir que les entendre parler. Donc, il y a encore un bout, là. Oh, ta gueule, à toi! Putain. Ah, ça pue. Mais... Ah. Manu. Oh, ça va, hein. Manu. Attends, mais c'est pas vrai, ça. Moi, ça commence à bien faire, là. Les mecs, ils passent sur tout le monde, hein. Ouais, attends, c'est pas tous, hein. Non, c'est pas tous, ouais, hein. Bah, attends, ouais, fais pas un catalogue de tous les mecs. Mais c'est qui répond, là? C'est Hubert. Hubert, je t'emmerde, tu raccroches et tu me fais chier. Non, mais quand attends. Quand s'appellerait pas toi, tu sortiras de sous le lit. Ouais. Arrête de t'enculer. Allez, hop. Ouais, donc, Claire. Oh, écrase, s'il te plaît, Hubert. Merci. Personne répond à toute façon. Oh, ta gueule, Hubert. T'as vu, t'es grossier, vas-y. Ouais, bah moi je te dis ta gueule maintenant, d'accord? Non, t'es ouais. Grossier, Gérard, c'est vrai. Non, mais attends, mais dans ce cas-là, il n'a pas passé sur tout le monde, d'accord? J'ai pas du beurre sur ma fiche, il a pas versé le monde quand je parle. GG? Claire? C'est bizarre. Oui? Mais j'ai terminé, hein. T'as bien. Terminé, donc qui c'est qui voulait réagir encore? Tu t'es énervé. Ouais, qui, moi? C'est Jeanne. Ouais. Je voulais poser une question existentielle. Donc Gérard, est-ce que tu te trouves beau? À ton avis, si j'ai trouvé quelqu'un, est-ce que je suis beau? Et bien sûr, bah, ça veut rien dire. Pas forcément, hein. Ça veut rien dire. Non, il y a même des moches qui ont quelqu'un. Non, je défends. Ah non, mais moi, je vais pas m'amuser à défendre le sexe faible, hein. Maintenant, vous vous démerdez chacun de vous. Non, j'ai dit, Gérard, est-ce que toi, tu es beau? Si mais à ton avis. Comment? Si j'ai trouvé quelqu'un, c'est qu'elle m'a trouvé beau. Ah, non, c'est qu'elle a un à l'œil gauche et deux à l'œil droit, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Elle voit pas grand-chose. N'importe quoi, toi. Ouais, mais elle a combien de QI aussi? Comment? Elle a combien de QI? Pas de cul, voilà. Tu es con celui-là. Bon, enfin bref. Non, c'est rare, quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Arrêtez avec les boutons. Je sens que tout à l'heure, ça va. Il y en a qui vont gerber. C'est cette boule dragon qui fait le con. À fond. Bon. Bon, la partie de ton corps que tu préfères. Alors, pourquoi? Que vous aimez les top? Oui. La partie de ton corps que tu préfères. Je réponds à ma question. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Bon, celui qui joue avec les... Arrête, pour la chimie, la partie ouais, mais, oui, mais... Hey, tant à mon avis, c'est une dent. Mon manque de peau, il l'a perdu. Bon, alors, Gilbert, tu dégages. Non, c'est pas moi, c'est l'autre, là, comme il s'appelle. Non, c'est toi qui viens de parler. Non, c'est pas Zadboul Dragon, tu vois, c'est toi. Gérard, toi, quelle est la partie de ton corps que tu préfères le plus? Ton bras, je sais pas quoi, vas-y, dis-moi. Mon nez. Ton nez? Ah ben, c'est bon. Voilà. Vous êtes contente? Ouais, vraiment, tu pourrais te décrire, Gérard. Pourquoi le nez? Pourquoi le nez? Parce que quoi? Il est droit, il est petit, il est comment décrire? Il est laid, son nez. Ouais. Il est normal comme tous les nez de mecs. C'est-à-dire? Voilà, ça y est. C'est-à-dire? Bah, comme tous les nez de mecs, c'est tout. Bah, c'est-à-dire, hein, c'est-à-dire, mais de toute manière, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas te décrire comme mon fils. Ah, je sais pas, je sais que le mien, il est gros avec des boutons. Bah, moi, le mien, il est pas comme le tien, c'est tout. Ah, bah, comment il est, le tien? Bah, voilà, il est normal, c'est et tout. Comment? Il est crochu, il est. Je sais pas. Il est normal. C'est-à-dire normal. Non, mais t'es con ou quoi, toi? Eh ben, est-ce que t'aimerais bien te le refaire, là, en chirurgie esthétique, je sais pas. Bah, justement, la question, ça va être là que je vais vous la poser tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Ouais. Pourquoi aimez-vous les top modèles comme Pamela Anderson ou Samantha Fox? Moi, je veux répondre. Qui? C'est Noël. Non, mais attends, il n'y a pas de Noël, tu t'amuses pas à passer sur tout le monde, ok? Mais non, c'est comme ça, c'est Manu qui fait constant. Ah, bah, les pirates. Bon, c'est quoi la question? J'ai perdu le fil. Moi, non, j'adore bah, les pourquoi on aime Pamela Anderson, tout ça. Vanessa. Ouais, d'accord, bah, je me fais griller. Oh, Noël, tu la perds. Non, mais c'est faire la montre que ma tête est malade, toi. C'est ça, quand je commence à répondre à la question, tu m'envoies bouler. Bah, c'est normal, ouais. Et du coup, par le fil, je sais plus c'est quoi la question, tellement elle m'a choqué, quoi. Non, ouais, mais c'est pas à toi que je m'adressais, d'accord? C'est bon, je peux répondre? Oui. Bah, écoute, moi, je ne les admire pas spécialement, quoi. Oh, mais à quoi vous jouez, là? Putain, t'arrêtes de couper les gens, toi. C'est lui. Alors, putain. C'est bon, allez, la toi, téléphone. Alors, correct. Donc, Vanessa. Oui, j'aime bien leur coiffure. Elles sont bien coiffées. Mm-hmm. Et toi, Gilbert? Non, Noël. Non, c'est Gilbert. Oh, pardon. Bah, moi, j'aime bien parce qu'elles ont des grosses poitrines. Je vois pas le rapport. Bah si, c'est toujours mieux, t'es petite. Non mais attends, oh, Gilbert. Ouais. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Absolument pas. Non bah si, alors tu te fous de ma gueule, allez Gilbert, là vous le dégagez pour de bon. Ouais non. Non, c'est dehors pour de bon. Allez, dehors pour de bon. Non, ça fait déjà deux fois que tu t'en es sorti. Allez hop, terminé. Eh ben, allez hop, salut. Okay. Allez. Voilà, au revoir. Donc, Ouais, Zaboul Z. Zaboul Dragon. Ouais, donc moi, c'est vrai que les filles, Samantha Fox, c'est... Quoi, qu'est-ce qui se passe, là? Olivier, hey! Quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit de me dégager, Gilbert? Mais non, mais c'est pas Gilbert, c'est Zaboul Z. Donc, voilà. Moi, les Samantha Fox, c'est... Non, je te reprends un peu le débat, Gérard. Et Pamela Anderson, ça me fait bander. D'accord. Ils ont des gros seins. Okay. Donc, Clémentine et Jeanne et Claire, là, si vous voulez réagir, réagissez quand même un peu, hein. Allez-y, les filles. Oh! Eh hey, mais merde, là, qu'est-ce que vous me faites au standard? Elles sont plus là, elles ont raccroché. Quoi? Eh hey, Clémentine, Jeanne et Claire, elles sont où là? Elles sont là? Ben non, réponds pas. Ah si, elles sont là, Gérard. Géraldine. Oh, Clémentine! Ouais. Et alors, tu travailles mais ou quoi? Je te parle en ce moment, abruti. Non, tu me parles pas. Mais si, je suis en train de te parler. Et Jeanne? Oui, celui-là, je te réponds, Gérard. Alors? Et Claire? Bah, je te réponds, hein, ne t'écoute pas. Donc, voilà, je te réponds. Ben non, mais si au standard, vous arrêtez vos conneries un peu là, de les zapper sans arrêt. C'est pas nous. Ou c'est Olivier qui s'amuse encore au con? Bah ouais. Comme d'hab. Bon alors, répondez là un peu. Bah écoute, c'est Jeanne. Mmh. Donc je réponds, donc en fait, pas mélange. Oh, mais merde! Oh, mais c'est le bordel, là. Merde, tu me fais chier, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas galants, là, les mecs. Mais non, mais vous êtes des cons, ce soir. Moi, j'ai rien fait, ça se passait bien jusqu'à ce que Philippe arrive. Alors, bizarre, tu vas bosser de l'autre côté. Allez, hop, casse-toi. Casse-toi, ça voudra mieux. C'est bon. Je suis solidaire. Allez hop. Non, c'est Jeanne qui parle. Vas-y Jeanne, on t'écoute. Oui, donc en fait, Pamela Anderson et Samantha Fox sont des idéales masculins. Ouais, mais elles sont bonnes, il faut le dire, elles sont bonnes. C'est des fantasmes masculins, ouais, c'est vrai, voilà, la blonde pulpeuse avec une grosse poitrine, tout ça. La blonde pulpeuse. Mmh. Et donc, en fait, les hommes adorent ce genre de femmes. Bon, ben, je te dis, parce que c'est un fantasme, quoi. Mais elles sont inaccessibles, elles n'appartiennent qu'un seul homme, malheureusement. Ouais, mais donnez vos noms quand vous voulez réagir. C'est Jeanne. Ouais, mais Jeanne, laisse quand même Clémentine et Claire et Vanessa répondre, et Zaboul le Dragon quand même. D'accord. Ah oui, Zaboul le Dragon. Oui, bah c'est terminé, là, c'est bon. Ah bon. Il y en a qui, tout à l'heure, ils vont se prendre des baffes. Hein. C'est qui? Je le sens, hein. Des baffes? Donc, Claire? Oui. Donc pour toi, à ton avis? Moi, j'ai pas envie de répondre à cette question. Pourquoi? Bah, c'est ton droit, c'est ton droit. J'ai aucun avis. Bah alors, dis donc, si t'as aucun avis sur la ce truc-là. Non, mais c'est une question qui concerne spécialement les garçons. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais je vous demande votre avis à tous. Moi, personnellement, je trouve pas qu'elles sont canon, donc j'ai aucun avis. Elles sont absolument pas naturelles. Voilà, c'est refait. Ce sont des poupées gonflables. Je prends quand même. Bah ouais, tu prends. Bah ouais. Ouais, mais elles sont inaccessibles, hein, mon pauvre. Meuf, tu rigoles ou quoi? Tu crois qu'elle va s'intéresser à un petit mec comme toi? Bien sûr que si. Bien sûr, vous êtes jalouse. Qui c'est là qui répond? Vous êtes jalouse. Qui c'est qui répond là? Stéphane. C'est Ziboule Dragon. Ouais. Ce sont les... Stéphane, elles sont inaccessibles, elles n'appartiennent qu'à un seul homme. Mais tu rigoles ou quoi? Quand je veux... Ouais, mais t'as fini, Manu, s'il te plaît. Mais c'est pas moi, et puis de toute façon, je peux rien faire, il n'y a plus fil d'art, alors. Non, mais attends, tu sais qu'il s'amuse à le couper à chaque fois qu'il réagit, lui. Ouais, c'est chiant à force, hein. Ça commence à bien faire, là, ce soir, hein. Non, mais le standard, elle est pourrie. Eh, GG ? Oui, c'est qui ? C'est Jeanne. Ouais. Oh, mais merde ! Oh, Manu, tu te fais chier, mais je peux rien faire sans fil d'art. Tu l'as viré. Et alors, je veux pas savoir, tu coupes pas les gens comme ça quand ils parlent, hein. Mais c'est pas moi, je peux rien faire, ça. Mais non, tu fil d'art. Appelle fil d'art, GG. Putain, mais ça commence à bien faire, hein. Gérard, tu m'entends ? Oui, je t'écoute. Gérard, bon, je sens qu'à 2h30, j'arrête. Non, c'est bon, GG. Ah, il est 22, quoi. GG, donc... te parle. Vas-y. Donc, je vais te demander, pour toi, demain, ton idéal féminin, une actrice ou une chanteuse française ? Alors, c'était Séverine Ferrer, tu l'avais déjà dit. Ah, oui. Voilà. C'est Séverine Ferrer ? Sabrine Ferrer, et puis la nouvelle là qui est arrivée sur M6 avec... Ophélie Winter, la nouvelle. Non. Celle qui fait... Charlie des, celle qui fait les clips et des bulles. Roberto DiCaprio. Oh, mais elles sont jeunes, Gérard. Moi, je pensais que t'allais me dire Jeanne Moreau ou Catherine Deneuve. Ah non, pas du tout. Bon, tu me le viens, celui qui s'amuse à faire le con, là. Je peux rien faire sans fil d'art. Oh, attends, tu prends pas passer dans les gens. Non, je suis solidaire. Bon, allez, hop, moi, j'arrête carrément. Ah oui. Sur Minitel, ils comprennent pas. Non, non, mais ils comprennent pas. Il y a un chiffre qui dit de... La nuit sans pub, ce coup-là, c'est terminé. Allez, bonne nuit. Non, Gérard. Tu finis le débat, Gérard. Je pose la dernière question, Gérard. Non, mais... Gildard ! Non, non, Manu, s'il te plaît, t'as pas besoin... Gérard, tu continues le débat. Non, mais attends, hé. Toi, t'es à la pro, tu vas te démerder un peu. Tu vas essayer de l'enlever une autre fois. Gildard, reviens. Parce que là, ça commence à bien faire, vos conneries, là, tout ça. Vous commencez à me faire chier. Hein ? Eh, hey, GG. Je te préviens, Olivier, c'est la dernière fois que je te le dis. C'est le deuxième débat, c'est le même bordel que là. Ouais, je te jure, j'arrête. Il rigole pas, là. Hein. Je te préviens, Olivier, t'as intérêt de te réveiller. Mais rigole plus, là, je Mais, GG. Oui. Je voulais te dire, j'ai l'impression que tu n'aimes que les femmes très jeunes, parce que ce que tu m'as dit, elles n'ont que 20 ans. Non, mais attends, tu sais, de toute manière, j'ai pas dit l'âge de Sandy encore. Et ça, je le dirai. Elle a 20, entre 20 et 30, donne-nous une tranche d'âge, quoi. 25, 25. Entre 20 ou 30 ou 34. 25, je vous dis. Mais t'es pas attends, attends. Déjà, toi, tu vas donner ton nom maintenant. Moi, c'est. Hubert, je crois. Bon, tu me le dégages, lui. Vas-y, il sort, attends, il sort d'où, lui? Il y a Manu sur Mittal, Gérard, pour un carambar, tu sors le tien. Voilà. Non, pas du tout. Il sort d'où, celui-là, là? C'est à part Zaboul Dragon, c'est tout ce qu'on a. Il réagit pas beaucoup, lui. Jésus, tu m'as pas dit. Bah, je te dis, entre presque la trentaine. Donc, Zaboul Dragon. Oui. Donc, si tu pouvais répondre quand même aussi. Oui, donc c'est encore sur les blondes. Tu connais ? Bon. Oui, oui. Mais tu réponds, Isa. Oui, oui, bah, ouais, oui, bah, de toute façon, j'ai déjà répondu. J'ai dit que j'aimais bien ça. Mm-hmm. Et toi, Vanessa ? J'ai déjà répondu. J'ai dit que c'est destiné aux garçons et que c'est pénible. Pas l'intérêt. Non, non, c'est Manu, je viens de voir faire. C'est toi qui t'amuses, là. C'est pas moi. Hein. Non, tiens. Ben, j'aime voir le coup, hein. Le coup Ouais, ouais. C'est toi qui t'amuses. Attends, de toute façon. Donc, la dernière question, comme ça, on va pouvoir faire la conclusion du premier débat. Je vous dis tout de suite que le premier débat, vous m'avez fait tous chier. Bah, c'est vrai. Non. Ça, c'est ça. Non. Que ce soit Olivier Lapro et Standard, c'était le bordel complet. C'était le bordel complet. Allô. Non, c'est vrai, allô. Alors, faut-il allô se faire... Oui, je voulais répondre, allô. Oui, non, toi, tu dégages, on t'a pas sonné. Allô, qu'est-ce qui se passe avec les télécoms, là? J'entends plus, là. Attends, il y a Gérard qui a posé sa question. Donc, faut-il se faire une chirurgie esthétique pour être beau? Donc, Dans ton cas, faut mieux, hein. Qui c'est qui dit ça? C'est Hubert. Alors, Hubert, tu dégages, je veux plus t'entendre. Donc, moi, c'est Abdul Dragon, je pourrais répondre? Ouais. Donc, moi, j'ai pas besoin de chirurgie esthétique parce que bon. Ouais, bon, ça y est, on sait. Je suis un beau gosse. D'accord. Jabou le dragon, il se fait, c'est bizarre, il se fait passer des. Pas du tout. Non, presque pas. Oh, pas du tout. Enfin, ouais, écoute. T'as pris Jabou le dragon alors que tu as. Il y a des limites. Ouais, ouais. Des discussions. Bon, bah alors, vous commencez à m'énerver tout à l'heure, ça va. J'aimerais qu'on parle un peu de chômage aussi, hein. Non, bah alors tu dégages. Non, mais pourquoi? Attendez. Tu dégages. Tu dégages. Mais pourquoi pour... Tu dégages. Pourquoi ne parlerons pas de nous de chômage? Gérard, si tu reprenais un peu le débat, ce serait bien. Ouais, non, mais déjà. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Bon, et moi, non, parce que de manière, tant qu'il soit. Bon, Gérard, il te reste 4 minutes pour finir un premier débat. Alors, vas-y. C'est Jeanne. Vas-y, Jeanne, réponds. Moi, je dis qu'en fait, il ne faut pas. La chirurgie esthétique, c'est de la merde. Il faut être soi-même, il faut s'accepter comme on est. Ah non, moi je suis pas d'accord, ça dépend. Bon, vous essayez de me gerber celui-là. Mais elle a 13 ans, elle a le droit de parler aussi. Pourquoi t'es pas d'accord? Non, moi je suis. Comment? Non, mais j'ai même pas fini ma réponse là. Donc je vais. Mais vas-y. Il vaut mieux rester soi-même. Allez, vas-y, continue. Oh, ta gueule, attends là. Gérard, il faut être fier. Allez, vas-y, merde. Oh là là. Manu! Putain, moi je sens que... Bon, allez, hop, conclusion du débat, ah, je pose même pas la question. Gérard, j'ai pas répondu. Non, mais par exemple, au standard, ça devient le vrai bordel. On vire tous les mecs. Ouais, vire tous les mecs, comme ça, je pourrais répondre. Vas-y. Je pourrais revenir en trave. Non. Non, dégage. Tu reviens plus. Bon. Donc, Clémentine. Bon, hé, c'est quoi, là? Ah, c'est plus tard. Ah non, je me suis trompé. Putain, t'as dit... C'est quoi? Clémentine. Clémentine. Je pense que si on... Mais merde! Non, là, il reste 3 minutes pour le débat. Pas la peine, Gérard. Moi, j'avoue pas, allez, hop. Voilà, comme ça, vous êtes content de vos conneries au standard. Viens! Bravo! Bravo! Fayot. C'est terminé. Fayot. Non, mais attends, vous m'avez fait chier. Tu veux tout dire à Max, t'es un Fayot. Ouais. Toi, déjà, tu vas arrêter tes conneries parce que t'es un vrai con. D'accord? Donc, conclusion. Conclusion du débat. Comme ça, il reste plus que 2 minutes. Je fais la conclusion en 2 minutes. Gérard, t'as été vulgaire. Clémentine, conclusion. Méchant. Conclusion, je trouve que tu t'énerves un peu là sur la fin. C'est dommage. Oui, ouais, c'est au standard, c'est le vrai bordel. C'est dommage parce que c'était intéressant. Ça s'est bien passé en plus. Ouais, c'est bien. Avec toi qui n'arrêtes pas de faire le con avec une télécommande. Allez, on s'en fiche. Ok. Allez, avance. Donc, Jeanne. Oui, ben, ma conclusion, c'est que les questions, elles étaient très intelligentes. C'est pas juste très bien amusé. Non, mais est-ce que je pourrais finir, s'il vous plaît? Merci. Donc, les questions, elles étaient intelligentes, je me suis bien marrée, voilà. Mais à la fin, t'as insulté tout le monde, donc c'était dommage, quoi. Ouais, Claire? Oui, alors moi, je voulais dire que je préfère quand t'es bourré, parce que moi, je m'insulte, quoi. D'accord, ah ben, c'est pas mal. Excuse-toi. N'importe quoi, Claire, hein. Bah oui, mais bon, c'est... Ouais, ben, c'est... Ouais, ben, quand tu parleras plus fort devant ton combiné, ça me fera... je comprendrai peut-être encore mieux. Je dis que je préfère quand tu es bourré, parce qu'au moins, on se marre plus. Ouais, ben, quand je suis bourré, je viens pas, d'accord? Ok, ouais, alors, c'est bon. Zaboul, Vanessa? Eh ben, moi, j'ai trouvé que certaines questions étaient... Vanessa, tu me fais kiffer. Non, mais c'est vrai, je trouve ça. Vanessa, s'il te plaît. Vanessa, ouais. Oui, que certaines questions étaient très subtiles, et c'était bien, et puis je voulais te remercier de nous avoir écoutés, voilà, quoi, c'est tout. Ok, bah moi, moi, c'est Abdou Dragon, donc je suis un beau gosse. Je serai en exposition à la place de la Concorde pour partager avec tout le monde, quoi, ma beauté naturelle. D'accord. C'est quoi cette idée qu'on entend, là? J'en sais rien. Il y en a un qui s'amuse à passer sur tout le monde, et comme au standard, apparemment, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre. Mais non, j'ai juste changé ma voix. Bon, donc, moi, je vais vous dire. Moi, je vais vous dire une chose que le premier. Et la conclusion à toi, Gérard. La conclusion, c'est que vous avez. Il y en a certains. Non, mais pas sur le débat, parce que ça, on s'en fout complètement que ça soit mal passé ou pas. Je réponds sur ce que je veux, d'accord. Et tu vas t'écraser, toi. La conclusion, c'est que t'as foutu trop ta merde, donc je suis pas d'accord. Au standard, ça a été pareil. C'est malheureux. Si c'était tous les jeudis, les débats se passent comme ça, dès le début, c'est pas la peine de faire des débats. Et la conclusion sur le débat, donc, sur le sujet. Sur le sujet. Sur la beauté, je pense qu'il y avait certaines questions qui étaient bien, d'autres pas trop. Il y a encore des choses à faire. Ta gueule, toi, va te faire enculer. Oh, Gérard, tu dois fouler avec le jeune homme. Ouais, ben, si je veux, d'accord. 27, je m'appelle. Ouais, ben, tu vas retourner chez toi. Donc, ta conclusion, vas-y, parce qu'on t'a donc, coupé. Conclusion, bah, maintenant, bah, on va attaquer le deuxième. Non, ta conclusion sur le débat sur la beauté, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que ça a été un peu dur au début. Mais putain, mais tu comprends rien, ou quoi? T'es con, quoi. Comme toi, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un avec un con comme moi, il s'amuse avec un con comme toi, on se croit chier tout le temps. Ok. Donc voilà, donc deuxième. Donc ta conclusion sur le débat. Bon, ça y est, je viens de le dire, tu vas pas faire chier. Ça s'est bien passé au début et à la fin, ça a merdé. C'est pas une conclusion, ça. Hier, ça a merdé bien avant. Ok, tu en penses. Avec quoi? Avec toi, avec la télécommande, ça a bien merdé au départ. Et ça fait un an que ça merde. Ouais, mais... ben, avec toi, c'est tout le temps que ça merde. Non, mais le problème, c'est la beauté. Toi, t'en penses quoi? Je te l'ai déjà dit, tu vas pas me faire chier, j'ai déjà dit que c'était bien. C'est tout, voilà, terminé, point final à la ligne. Tu penses que tu es beau, alors tu es moche, tu es beau, tu es comment? Je vais pas te répondre, de toute manière, ça te regarde pas, toi. D'accord. Voilà. Donc, la deuxième, tu me changes tout le monde, tu reprends des nouveaux auditeurs. Mais on n'a pas de couche. Non. Comment veux-tu qu'on les change? Ils ont 20 ans, on va pas les changer, ils pissent plus dans leur culotte. C'est fini, hein. Attends, c'est fini, je fais ce que je veux. Si je te demande des nouveaux auditeurs, t'en prends d'autres. Des quoi? Mais c'est pas grave, si t'es pas beau, Gérard, on t'aime bien, c'est drôle. Et le trablot, tu dégages. C'est pas un trablot, il est 13 ans. Bon, bah, toi, tu t'écrases, le dragon. Donc, deuxième débat, c'est l'écriture, donc, voilà. Alors, on se retrouve après les deux disques. D'accord, les deux disques, je crois qu'il y a Will Smith, le nouveau, qui a été calé par Max. Et puis le deuxième, c'est... ça doit être Undo Stress. C'est qui, ça? De... Papa Ricky Martin, sur Fun Radio. On est sur Fun Radio.